Vous vous demandez certainement comment fabriquer des légumes fermentés. Eh bien, voici une recette très simple que vous pourrez essayer vous-même. Il suffit pour cela de trouver des légumes, de les couper en petits morceaux et de les mettre dans un bocal propre. Vous mettrez ensuite par-dessus une solution d'eau salée. Il faut environ une cuillère à café de sel pour un litre d'eau. Et vous ferez bien attention de recouvrir tous les légumes pour que la fermentation puisse opérer et que les légumes ne pourrissent pas, il faut absolument qu'ils soient bien recouverts d'eau. Vous fermerez ensuite le bocal et au bout d'une semaine, vous l'ouvrirez et vous goûterez. Et vous nous direz ce que vous en pensez. Mais pour l'heure, nous vous invitons à ouvrir le bocal qui se trouve devant vous et à simplement sentir l'odeur de ce ferment et à décider pour vous ce que vous en pensez.